Les éditions La fille d'à côté présentent Faustine, une saga biographique. Tome 2, Faustine à l'aventure, par Christina Schwab. Prologue. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Cliché asséné après chaque coup donné dans l'innocence qui s'effrite. Faustine devient très forte, comme toute jeune femme de son époque, dans un mâle monde. La liberté peut-elle se conjuguer avec son rêve de féminité accomplie et pas compliquée, chaleureuse et sans brûlure? De quel bois se chauffe un homme, un vrai, un qui connaît la musique? De la Côte d'Azur parfumée aux boîtes à jazz parisiennes, le second tome de l'histoire de Faustine est jazzy. Bluesy aussi, parfois. Ça lui fait bien un peu tourner la tête, mais ça ne la tue pas. Dans ce tome, Faustine est retournée chez papa-maman à son corps défendant. Elle a laissé son grand amour à Bâle et se languit de lui. Revenir à la maison quand on a goûté à la liberté et à la vie de couple, voilà qui est cruel. Le chantage affectif a peut-être eu raison d'elle, mais elle se promet bien de ne pas en rester là. À l'atelier, l'ambiance est mitigée. Faustine se sent piégée, mais fait contre mauvaise fortune bon cœur. D'autant que maman aime rire et qu'on ne s'ennuie pas avec elle. Trouver un logis, apprendre à conduire, seront ses premiers pas vers une autonomie assumée. Sitôt en possession de sa voiture, Faustine s'évade le plus souvent possible. La Côte d'Azur des années 75-80 n'est plus celle des années 30, mais elle s'y joue encore du bon jazz. Est-ce que, par hasard, on y rencontrerait aussi l'amour ?